Bistrot Sainte-Lilith. Qui se crame les yeux sur un ours en chaleur, du côté de ces nuits où s'enfuit le hasard, avec les doigts collés de foutre et de sueur. Y'a toujours un taxi qui se perd dans la brume, avec une reine morte en pâture aux fantômes, et de vieux cormorans sans marge du bitume, qui s'en viennent crever au détour de ta zone. Lilith, oh Lilith. Pingouin qui souffle ses poumons à travers un saxo branché sur du mélo, et des gosses exilés qui maquillent leur nom sur les fiches transies d'hôtels hallucinaux. Y'a toujours un pigeon qui s'envole en fumée dans les couloirs visqueux d'un vieux rêve agonie, et des cigares bandants sur les lèvres flippées de dieux défigurés maquillés par tes nuits. Tu sais comment ça jouit, Lilith. Les mecs roussis, des dingues de la déglingue qui se flinguent derrière ton zinc. Lilith, Lilith, oh, oh. Tu sais comment ça jouit, des mecs complètement stress qui te réclament aux toilettes. Une petite canette, une petite fumette, une reniflette, une seringuette, une bonne branlette, et puis dodo, ça jouit, ça jouit, ça jouit, ça jouit, ça jouit, ça jouit. Y'a toujours une frangine qui se noie dans ses nerfs au fond d'une arrière-salle d'un vieux boxon crado, et d'autres qui s'en vont respirer le grand air sur une plage à Hambourg, à Belfast ou Glasgow. Y'a toujours un clébard de bar unijambiste qui largue ses cachetons dans les WC pour dames, et des mecs un peu raides aux bras de vieilles groupies qui dégueulent en riant leur trop chaude Smirnoff Ice. Oh Lilith, tu sais comment ça jouit, Lilith. Les mecs roussis, genoux sur mes rames, avec des souvenirs à tringler du bourrin. Tu descends le quartier où les mômes jouent aux dames et me font voir la cam dans le creux de leurs mains. Mais j'y ai perdu l'adresse des autres solitudes, à contempler la nuit dans les yeux des passants. Souvent on a croisé au bord de l'hébétude qui ne pouvaient dormir sans leur dose de sang. Comment ça jouit, Lilith. Les mecs finis, des dingues de la déglingue qui se flinguent derrière ton zinc. Lilith, Lilith, oh, oh. Tu sais comment ça jouit, des mecs complètement stress qui te réclament de toilette. Lilith, tu sais comment ça jouit, Lilith. Les mecs finis, des dingues de la déglingue qui se flinguent derrière ton zinc. Lilith, Lilith, oh, oh. Tu sais comment ça jouit, les mecs complètement stress qui te réclament aux toilettes. Une petite canette, une petite fumette, une reniflette, une seringuette,